Enfin, tant fit l'illustre personnage qu'il fut tout dans la maison et moi rien. Comme, lorsque j'avais le malheur de lui déplaire, c'était maman et non pas moi qui le grondait, la crainte de l'exposer à ses brutalités me rendait docile à tout ce qu'il désirait. Et chaque fois qu'il fendait du bois, emploi qu'il remplissait avec une fierté sans égale, il fallait que je fusse là, spectateur oisif et tranquille, admirateur de sa prouesse. Ce garçon n'était pourtant pas absolument d'un mauvais naturel. Il aimait maman, parce qu'il était impossible de ne la pas aimer. Il n'avait même pas pour moi de l'aversion, et quand les intervalles de ses fougues permettaient de lui parler, il nous écoutait quelquefois, assez docilement, convenant franchement qu'il n'était qu'un sot. Après quoi, il n'en faisait pas moins de nouvelles sottises. Il avait d'ailleurs une intelligence si bornée et des goûts si bas qu'il était difficile de lui parler raison et presque impossible de se plaire avec lui. À la possession d'une femme pleine de charme, il ajouta le ragoût d'une femme de chambre, vieille, rousse, édentée, dont maman avait la patience d'endurer le dégoûtant service, quoique lui fît mal au cœur. Je m'aperçus de ce nouveau ménage, et j'en fus outré d'indignation, mais je m'aperçus d'une autre chose qui m'affecta bien plus vivement encore et qui me jeta dans un plus profond découragement que tout ce qui s'était passé jusqu'alors. Ce fut le refroidissement de maman envers moi.